histoire particulière. Nous continuons notre collection été 2018 d'une histoire particulière sur les 7 péchés capitaux. Jusqu'à 18h, c'est l'heure du récit documentaire. Une histoire va commencer, une histoire singulière, une histoire vraie. C'est un des démons les plus puissants et son aspect est terrifiant. Impossible de ne pas trembler lorsqu'il apparaît et lorsqu'il vous regarde de ses yeux à la fois reptiliens et flamboyants. Son visage est fermé, ses lèvres d'une minceur extraordinaire, ses dents aiguisées, son nez camard. Sa langue est bifide, comme celle de la vipère, mais elle est beaucoup plus longue. Il porte une tiare d'or et ses mains sont couvertes de bijoux étincelants. Son cou est entouré de colliers de diamants. Le lobe de ses oreilles s'orne de pendeloques de platine et de brillants. Il est enveloppé d'un manteau de brocart. Grâce à lui, il est facile de corrompre les âmes et les cœurs, de combattre la vertu, de soudoyer les femmes et les hommes et de renverser tout idéal. On s'adresse à lui lorsqu'on veut gagner de l'argent rapidement et sans aucune considération pour autrui, lorsqu'on désire consacrer toute sa vie à l'argent et aux richesses. Vous avez deviné ? Mammon est son nom, l'avarice est son péché. Alain Lefkovitch et Assia Khalid vous en donnent une brillante illustration. Jouons le jeu, une émission d'André Gillois. Le grand concours de caractères ouvert par la radiodiffusion française autour de Jouons le jeu sera clos le 31 décembre. Ceux qui désirent participer et tenter de gagner la 4 chevaux Renault qui constitue le premier prix ou l'un des nombreux autres prix valant au total 1,5 million doivent mettre leur réponse à la poste le 31 décembre au plus tard. Le concours porte sur les 11 émissions qui auront été diffusées du 17 octobre au 31 décembre. Aujourd'hui, 8e émission consacrée à l'avarice et à l'esprit d'économie. Tu demandes l'addition, s'il te plaît ? Bon, l'apéritif c'est pour moi, pour le reste, je sais pas comment on fait, on partage ? Non, non. Depuis 3 mois, c'est toujours nous qui payons. Cette fois, c'est ton tour. Ok, y a aucun problème. S'il vous plaît, je vais payer en carte bleue. C'est quand même pénible ce genre d'insinuation. Je pourrais me vexer, hein. Il y a un problème, monsieur. Comment il y a un problème ? Putain, j'arrive même plus à me rappeler de mon code. Voyez l'état dans lequel vous me mettez, quoi. Je suis désolé, il y a toujours un problème. Si ça marche pas avec la carte bleue, t'as qu'à payer par chèque. Vous êtes lourds, hein, tous les deux, hein. J'ai laissé mon chéquier dans mon manteau. Bon, on arrête. C'est pas le moment de flancher. Non, c'est vraiment bête, j'ai oublié mon carnet de chèque. Tu veux que je te dise ce que t'es ? T'es un radin. L'avarice, du péché à la vertu, par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Aujourd'hui, d'Harpagon à Don Salluste, les archétypes de l'avarice. Même si le philosophe grec Théophraste s'évertue à distinguer l'avare du radin, Saint Augustin, lui, les met dans le même panier, faisant de ces personnages les deux faces d'une seule médaille. D'Harpagon à Don Salluste, en passant par certaines des figures illustres de la comédie humaine balzacienne, l'avare n'a cessé de nourrir la littérature et le cinéma. Même les enfants sont servis, avec le notable Balthazar Picsou, rendu célèbre par Walt Disney. Incarnation d'un des 7 péchés capitaux, le pingre traverse les âges, suscitant toujours les mêmes railleries et une réprobation unanime. On en connaît tous au moins un avare, un radin, un gripsou, un regardant, qui agace, irrite et nourrit nos histoires personnelles. Vous, dans votre confessionnal, il y a des gens qui viennent confesser ce péché d'avarice ? Oui. C'est assez fréquent. Père Christian Lancrège Aval. Pas aussi brut que ça, parce que déjà, si la prise de conscience, elle est rarement aussi forte. C'est une façon, effectivement, d'amorcer la chose en disant j'ai beaucoup de mal à donner. Je sais que je donne pas, y compris à mes propres enfants. J'en vois régulièrement, qui le vivent et qui le ressentent. Avare. C'est ça qui, là, devient plus intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils le ressentent, c'est qu'on se dit, si vous en êtes conscient, changez. ils peuvent pas. Ça les rend malades aussi de dépenser. Avarice, attachement excessif à l'argent, passion d'accumuler, de retenir les richesses. Avide. Cupide, intéressé, pingre, regardant, harpagon, avare, fesse Mathieu, qui a la passion des richesses, radin, et se complaît, ladre, à les amasser sans cesse, grigou, gripsou. Ce qui est très surprenant chez les avares, au moins que je connais, que j'ai rencontré, c'est l'attachement aux centimes plutôt qu'aux grosses sommes. Ce qui est typique de l'avare, c'est qu'il est très attentif aux petites dépenses. Et il peut faire à côté des grosses dépenses, en particulier d'investissement ou d'immobilier. Ce sont des personnes qui peuvent acheter des maisons, mais qui vont rogner sur le détail. On est dans l'avarice, a priori, ou dans la compréhension qu'on en a, et même l'expérience que j'en ai, dans quelque chose de très étroit et de mesquin, mais qui joue sur un peu, la mauvaise vision du comptable qui s'intéresse aux chiffres après la virgule. C'est ça qui est sidérant, d'ailleurs, dans quelque chose qui est... Et qui est un défi pour l'intelligence. C'est-à-dire, en plus, dans la définition qu'on donne toujours du péché, il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable ou rationnel, du moins qui est idiot. Et l'avarice, dans l'attention que l'avare porte aux petites sommes, il vaut mieux faire de grosses économies et de petites dépenses que de faire blablabla de petites économies et à côté des grosses dépenses. Et le plus souvent, d'ailleurs, on rencontre beaucoup plus d'avarice chez des personnes ayant des biens, en particulier des biens immobiliers, chez les propriétaires. Et avec cet écart incompréhensible, on le dit souvent, d'ailleurs, traditionnellement, d'un des travers possibles de la bourgeoisie, qui est au contraire propriétaire installé, ou l'inquiétude qui peut expliquer l'avarice, c'est-à-dire il peut y avoir la peur de manquer ne se justifie pas. Quelqu'un qui répugne à dépenser des petites sommes parce qu'il a très peu d'argent, ça peut être de l'avarice. Il y a une inquiétude qui est légitime. Chez la personne qui a des moyens, elle n'est plus légitime. Elle devient effectivement de l'avarice. Il n'y a d'avarice que pour celui qui a des moyens. La question pour le pauvre ne se pose pas. Le pauvre n'est pas avare, il est pauvre. Le riche avare fait de mauvais choix, ou du moins oublie l'essentiel, n'a pas cette vision de l'ensemble. À mesure que j'aime l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit, et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent, mais pas pour en faire rien. Juste pour l'idée de la puissance, l'idée symbolique, l'idée pure de l'argent pour l'argent. L'Église l'a défini, cette avarice, comme étant un des sept péchés capitaux. L'expression péché capital ou les péchés capitaux, c'est un faux ami, si je puis dire. C'est une expression toujours trompeuse parce que ce sont des péchés sources. Quand on entend capital, on comprend majeur, énorme. Le péché capital est premier, pas par la taille. Il est désigné comme capital en ce sens qu'il est susceptible d'engendrer, de susciter d'autres péchés. Donc l'expression aujourd'hui, elle est assez ambiguë, de péché capital. Il me semble plus juste de parler de péché source ou de péché générateur. Péché source est une bonne expression pour dire que ça commence comme ça et ça en entraîne d'autres. C'est une nomenclature très ancienne, très traditionnelle, des sept péchés capitaux, sept étant un chiffre symbolique, qu'on apprenait d'ailleurs avant au catéchisme par cœur, que nous connaissons moins que le aujourd'hui au catéchisme, on ne fait plus apprendre par cœur aux enfants la liste des sept péchés capitaux. Moi-même, pour me souvenir des péchés capitaux, le moyen mnémotechnique que j'ai pris pour les péchés capitaux, c'est un texte de l'Évangile qui est un des plus connus, qui s'appelle la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, c'est l'histoire d'un homme qui a deux fils. Il y en a un qui est sérieux, qui reste travailler avec lui, et l'autre qui est un jouisseur et qui demande sa part d'héritage, qui va au loin, qui claque tout avec des filles en faisant la fête, qui se retrouve sur le carreau et qui, à la fin, revient à la maison du père. Le père l'accueille, signe de la bonté, du pardon de Dieu, et le frère aîné qui est resté est foudrage. Et j'ai toujours gardé cette parabole en tête pour retenir les sept péchés capitaux, parce que la division des péchés, le fils prodigue, c'est celui qui cumule les trois péchés capitaux, trois péchés sources, on va dire, de la luxure, que sont la paresse, l'impureté, la gourmandise. Le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est pig. P comme paresse, I comme impureté et G comme gourmandise. Et il finit d'ailleurs avec les cochons. Tandis que celui qui est resté enfermé à la maison, le fils aîné, qui se met en colère, l'acronyme qui m'y fait penser, c'est CAGE. C comme colère, A comme avarice et J comme jalousie. Et on a donc l'autre versant des péchés capitaux. Et ils ont en commun les deux le péché source qui est généralement considéré comme central, qui est l'orgueil. Alors vous parlez de péché source parce qu'il peut en générer d'autres. Si on part de l'avarice, quels sont les autres péchés qu'elle peut générer ? Le plus gros péché que ça entraîne, c'est l'indifférence à autrui. C'est l'absence totale d'empathie. C'est le contraire de la compassion. C'est le fait, effectivement, de tout garder. C'est une étroitesse. Ce que ça entraîne surtout l'avarice, parce que c'est lié fondamentalement à l'argent, c'est l'idolâtrie. C'est le fait qu'il y a un attachement qui devient passionnel. C'est le théâtre de Molière. Mon argent, au point de faire passer les biens avant les personnes. Et l'attachement à l'argent, c'est moins vrai pour la pingrerie parce qu'on considère qu'elle se perd davantage dans les détails. Mais l'amour de l'argent conduit au meurtre, à l'homicide, y compris par négligence ou par indifférence. C'est le fait de laisser crever les autres, plutôt que de dépenser, de donner quoi que ce soit. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'hôte, foi d'animal. » Et principale. La fourmi n'est pas prêteuse. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud? Que faisiez-vous autant chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La qualification de péché capital ou quelque chose comme ça. Christiane Rousseau, psychanalyste. Je trouve que c'est une bonne façon de qualifier parce qu'elle touche à la relation à l'autre. L'autre, dans l'avarice, dans l'absence de pouvoir donner, n'existe plus. Ou il est approprié et il est repris en soi, pour soi-même, mais il n'est pas reconnu comme autre, comme vous échappant, comme ayant sa propre. Son propre dynamisme, mais approprié. Je suis radine, mais j'aimerais ne pas l'être. La première victime de ma radinerie, c'est moi. Être radin, ce n'est pas simplement avoir du mal à ouvrir sa bourse, c'est autre chose. Une attitude de suspicion, de rétention, de calcul et de paranoïa. Je la condamne et je me bats contre elle. Il me semble qu'elle est une diminution d'être. mais elle est un instinct premier. C'est elle qui fait que je me déteste. C'est à la fois un péché, mais c'est d'abord une souffrance pour la personne. Il y a quelque chose de maladif dans la mesure où nombre d'avares que je connais, au moins qui le reconnaissent, non seulement font souffrir leur entourage parce que c'est insupportable, mais se sentent dépassés eux-mêmes. Je ne rentre pas dans l'analyse psychologique, ce n'est pas ma mission. Je sais que pour certains d'entre eux, ils en souffrent eux-mêmes, comme s'ils ne pouvaient pas s'empêcher de compter la moindre chose. J'ai rarement vu un avare heureux. Alors, la représentation traditionnelle qu'il en fait, il y a un moment où il peut avoir une jouissance quand il compte son bien. Mais il y a quelque chose qui ronge. C'est un mal-être, un malaise très grave qui empêche la personne de vivre et de vivre avec les autres. J'imagine que dans vos séances ou parmi vos clients, c'est rare de trouver quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dise d'entrée de jeu, je suis avare, je suis radin, je suis pingre. Oui, je n'ai jamais eu de personne qui était proprement avaricieuse, enfin, des moments d'avarice, mais comme on en a tous, et donc ils ne sont pas particulièrement significatifs, mais franchement, avare, non, un avare ne peut donner ni un sou, ni une parole, ni quoi que ce soit de lui-même. Donc il ne va pas, il ne vient pas demander à un analyste de l'aide, et il n'a pas besoin d'aide, je pense, ça c'est toute une question, j'en sais rien. Qu'est-ce qui pose problème dans l'avarice? C'est l'argent et donc cette impossibilité de se défaire de cet argent? C'est l'impossibilité d'échanger quoi que ce soit avec autrui, et en particulier de l'argent. L'argent, c'est un moyen d'échange de biens. La monnaie, c'est un moyen d'échange. Et dans l'avarice, cette capacité d'échange disparaît. L'argent prend une valeur pour elle-même. On dit que l'avare est assis sur son tas d'or. On le dit plus maintenant parce que l'or a perdu sa valeur, si je peux dire. Mais c'est un morceau de son corps, un morceau de son être. Et il ne peut l'échanger avec personne. On ne peut pas donner un morceau de sa chair à quelqu'un. Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! Coquin! On va faire une soirée chez quelqu'un et tout le monde doit ramener quelque chose. Quand je ramène une bouteille de vin, je ramène une bouteille de vin dans les 10-15 euros si je l'achète en supermarché, je ramène une bonne bouteille. Bon, il y a des gens, ils prennent une bouteille de vin à 3 euros. Et ils ramènent ça et ils enlèvent la petite étiquette histoire d'être sûr que personne ne va voir que c'est une bouteille de vin à 3 euros. Et ça, c'est de la radinerie. Pour moi, l'oncle, mon fameux oncle, qui dans le fond était gentil, mais c'était quelqu'un qui était riche et j'étais pauvre. Quand il venait là, ici, il venait en Mercedes. À l'intérieur, c'était du cuir, c'était tout ça. Elle était blanche et tout ça. Pour moi, ça m'impressionnait. Alors un jour, il m'a apporté des boîtes de clous. Il redressait des clous, il les peignait en aluminium. Mais ce qu'il savait pas, c'est que chaque fois que je tapais sur un de ces clous, il se courbait. En fait, j'ai compris après que le fait de redresser un clou, un clou, quand il a été tordu, il revient tordu. Donc, il m'apportait ces clous, mais qui servaient à rien. Vu l'argent qu'il avait, il pouvait vous en acheter des neufs. Ah, ça, il en achetait des neufs. Oui, mais justement, c'est peut-être ça l'avarice, hein. Enfin, c'était des clous, quoi. Dans le fond, j'aurais dû lui gueuler, lui dire carrément, tu m'as donné de la merde, mais ça, j'étais pas courageux et je lui ai jamais dit ça. Par exemple, au bureau, on fait des pots de départ pour des gens ou des pots pour faire des anniversaires. Et moi, en général, j'aime bien organiser ce genre de choses. Je suis assez team spirit. Donc, c'est moi qui fais la cagnotte litchi, par exemple. Donc, je vois les sommes que tout le monde a mis. Et bah, je suis désolée quand il y a quelqu'un qui est directeur et qui met 5 euros. Bah, moi, je trouve que c'est de la radinerie. Cette personne, elle va manger des boîtes de conserve froides parce qu'il faut économiser et pas dépenser un centime. Elle n'ira aux toilettes que quand elle ira dans les lieux publics ou ailleurs. Elle va vraiment tirer ce picadier sur tout pour ne rien dépenser. Et ce n'est pas une question de moyens. Moi, je dirais que ce serait quand même une maladie parce que un choix, je pense pas que ce soit un choix. Moi, je dirais que ce serait un petit peu une maladie plutôt, quoi. Parcimonie, avidité, radinerie, cupidité, pingrerie, cupidité, radinerie, avidité, parcimonie. C'est une pathologie si c'est radical, si tout le comportement est réglé par ça. Et à la limite, l'avare, il sort plus de chez lui, pour n'avoir plus rien à dépenser. Quand c'est radical, sûrement c'est de l'avarice. Mais on ne peut pas dire que des tout petits traits d'avarice font l'avarice, parce que ça peut se transformer. Ça, c'est profondément le point de vue du psychanalyste. Toute particularité de caractère peut se transformer. On est là pour ça. Et en fait, elle se transforme. Donc on ne peut pas parler d'avarice en ce sens-là. L'avarice, souvent, c'est lié à l'argent, mais pas que. Il y a des comportements aussi. J'ai le témoignage d'une amie qui raconte que sa grand-mère mélangeait 1 litre de jus d'orange et 1 litre d'eau pour avoir 2 litres de jus d'orange. Avec l'argent, c'est pareil. On est dans la même pathologie. Je pense que c'est la même pathologie. Alors, tout dépend si ce jus d'orange, c'était simplement pour elle ou si elle avait l'occasion d'en donner aux autres. Et de nouveau, on entre de nouveau dans la relation d'échange. Elle payait moins cher le verre de jus d'orange. Il coûtait moins cher. C'est toujours la même question de l'échange avec autrui. Et du sens social, le casse-geste. L'avare, il s'exclut du monde social, il s'exclut en tant qu'individu, il se désocialise. Je ne pense pas qu'il veut s'exclure lui-même, mais de fait, s'il est complètement seulement occupé par sa possession, il s'exclut de l'échange social. Et donc il devient quoi ? J'ai aucune idée parce que je peux m'appuyer sur aucun exemple. Hein, mais il vit dans la solitude la plus totale. Est-ce qu'il risque pas dans un temps lointain, dans un grand âge, un état de démence ? Je ne sais pas, mais vraiment c'est très imprudent ce que je dis parce que j'ai aucune expérience de la chose. Ma grand-mère était une radine qui voulait pourtant avoir l'air de celle qui recevait avec faste et classe. Elle organisait des bridges chez elle et confiait ses amis. C'était toute une organisation. Elle servait du mauvais whisky, mais transvasé dans de très chics carafes en cristal. Le jus d'orange, lui aussi, était peu cher et carafé de cristal. Mais surtout, il était dilué pour en faire plus. Elle était fière de me montrer qu'avec une brique de jus et 1 litre d'eau, on pouvait faire 2 litres de jus de fruits. C'était comme un conseil qu'elle me donnait pour l'avenir. Pendant ces fameux bridges, elle servait aussi des chocolats qu'on lui rapportait de vacances et qu'elle adorait. C'était des bouchées au praliné, à la pâte d'amande et à la pistache. Elle affirmait que c'était bien plus joli de les servir coupés en deux, car ainsi on voyait bien mieux la superposition des couches aux couleurs appétissantes. Donc, elle les déballait, enlevait le papier doré qui entourait chaque chocolat et les coupait délicatement en deux avec un couteau de cuisine avant de les disposer dans une assiette. Et comme ces chocolats étaient riches, il n'y avait pas besoin de servir autre chose. Quand elle n'avait plus de ces chocolats, elle coupait en tranches des rochers suchards, les rouges, ceux qui sont au chocolat au lait. J'y repense à chaque fois que j'en mange. dans tous les supermarchés, les gens ils ont leur coupon de réduction, il y a ce site radin.com, mais il y en a d'autres hein, comme Groupon, on se groupe pour acheter moins cher, il y a cette volonté en permanence de trouver les bons plans, les bonnes affaires, les bonnes réductions. Tout en dépensant tout le temps, c'est effectivement, on cherche, c'est assez curieux, c'est exactement comme le système de l'avarice, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de dépenses astronomiques, un temps passé, il y a des dépenses permanentes, et on se dit, oh tiens, on va simplement un petit peu rogner à la marge. Dans le discours de l'Église, il y a justement cette recherche, ou du moins cette attention, à un peu de sobriété, de frugalité. La démarche plus raisonnable, c'est pas d'acheter moins cher, c'est de ne pas acheter ce qui n'est pas indispensable, ce qui n'est pas nécessaire, d'acheter de façon plus réfléchie et pas uniquement sur l'envie. Ce sont les vertus sur lesquelles on insistera davantage aujourd'hui. Ça rejoint un autre domaine vital aujourd'hui, qui est celui d'une écologie au sens large. Et c'est assez intéressant de faire la différence entre l'avare, qui est économe pour lui-même, pour pouvoir effectivement garder, et qui va être surtout sur de l'argent, concentré sur l'argent, et puis une démarche plus écologique, frugale. La frugalité, c'est pas de l'avarice, c'est indépendant de la question financière, c'est une attention effectivement à ce qui est nécessaire ou superfétatoire, indépendamment des envies qu'on peut avoir. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je peux effectivement concentrer mes dépenses sur mes besoins et non pas sur mes envies ? L'avare, il n'est pas dans ce raisonnement-là. La question de l'environnement, de l'avenir de la planète ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son propre bien. Et donc il y a une voie nouvelle, une belle voie qui s'ouvre pour ce qui est sobre et frugal. On a l'impression qu'avec l'avènement du marché, avec l'avènement du capitalisme, finalement c'est devenu une vertu cette avarice. Quand on a une entreprise qui aujourd'hui non seulement va faire des montages financiers pour ne pas payer d'impôts, mais qui en plus va fermer une usine, je pense à Whirlpool par exemple, et qui va ensuite distribuer des dividendes. Et oui, mais là, il y a une générosité sélective. Le propre et le drame de l'avare, et je le vois dans une famille, c'est que c'est pas la même chose que celui qui suscite la jalousie parce qu'il est généreux avec certains et pas avec d'autres. L'avare ne vit pas ça. L'avare est maladif dans la façon dont il est enfermé dans son bien et il y a un enfermement. En l'occurrence, je n'emploierai pas le mot avarice dans ses comportements, dans tout ce que, d'ailleurs, le pape dénonce fortement, dans tout ce qui est de l'ordre de la corruption, de l'égoïsme, et y compris des abus de biens. C'est pas exactement de même nature. Vous dites l'avare est maladif. C'est le système, alors, qui devient avare et qui est malade. Peut-être, là-dessus, c'est le... Non, je crois pas en tant que prêtre, je m'intéresse au cœur de la personne. Je crois à la responsabilité individuelle, à la responsabilité personnelle. L'inconvénient, chaque fois qu'on parle du système, c'est de diminuer la responsabilité des personnes. Il se trouve que, encore une fois, l'impression qu'il donne et l'image qu'il donne, et qui me semble pas loin de la réalité, c'est qu'ils sont très généreux avec eux-mêmes. Ce que l'avare n'est pas. Pour l'avare du genre Harpagon, toute la beauté du monde est enfermée dans l'or. Et réellement, l'or, matière pure et brillante, a quelque chose de beau. La disparition de l'or comme monnaie semble avoir fait disparaître aussi ce genre d'avarice. Aujourd'hui, ceux qui amassent sans dépenser cherchent du pouvoir. Simone Veil. Merci à Sam, Chantal et Gérald Pott, à Delphine Prodhomme, à Yolande, au père Christian Lancret-Javal, à Christiane Rousseau, Victor Massé de l'Épinay et à Christine Géricault. D'Harpagon à Don Salluste, les archétypes de l'avarice. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claude Niort. Lecture, Serpentine Tessier. Archivina, Annie Lozana. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Assia Khalid. Une histoire particulière, d'Alain Lefkovitch. Pour l'avare du genre Harpagon, toute la beauté du monde est enfermée dans l'or. Et réellement, l'or, matière pure et brillante, a quelque chose de beau. La disparition de l'or comme monnaie semble avoir fait disparaître aussi ce genre d'avarice. Aujourd'hui, ceux qui amassent sans dépenser cherchent du pouvoir. Simone Veil. Pour moi, l'avaricieux, c'est celui qui arrive à accumuler des ressources et qui les garde par-devers lui. Donc, ce que les économistes appellent un comportement d'épargne. C'est la fable de la cigale et la fourmi. Hein. L'avaricieux, c'est celui qui vraiment se comporte comme la fourmi, celui qui conserve par-devers lui les ressources qu'il a réussi à accumuler et qui surtout fait attention à ce que les autres ne puissent pas en profiter. Donc, pour moi, ce serait plutôt ça, l'avaricieux en économie. L'avarice, du péché à la vertu, par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Aujourd'hui, chasser l'économie et tuer les coûts. Depuis une quinzaine d'années, les entreprises font appel à des cabinets de cost-killing, appelés aujourd'hui pudiquement entreprises d'optimisation achat, qui permettent de réduire de façon substantielle les coûts et d'augmenter la rentabilité. Chasser de façon drastique le gaspillage, rationaliser les dépenses, détecter les postes onéreux. Tel est l'objectif du cost-killing, qui vient répondre au désir croissant de flexibilité. Le consommateur, lui, chasse désormais le bon plan, la bonne affaire, ne pouvant résister aux sirènes de la consommation compulsive, dans un monde où l'avarice est devenue vertu. D'ailleurs, le scandale des Paradise Papers ne vient-il pas de nous le rappeler ? Christian Chavagneux, économiste. Le capitalisme qui se développe à partir du 19e et début 20e en Europe, il va s'accompagner du développement de l'État-providence. Donc il va y avoir une forme de redistribution de la richesse créée par le capitalisme. Et ça, de ce point de vue, on est vraiment dans le comportement anti-avarice. Hein. C'est vraiment le 20e siècle et le siècle de l'État-providence. On redistribue vers ceux qui n'avaient rien, les ouvriers, pour la retraite, pour protéger la santé, etc. Et en même temps, on s'aperçoit avec le développement de la financiarisation du capitalisme qui démarre doucement à la fin des années 50 et qui va vraiment se développer fortement à partir des années 90, que une bonne partie des ressources dégagées par les entreprises vont plutôt aller vers la distribution de dividendes aux actionnaires et moins vers ce qui se passait jusqu'aux années 60, à savoir, bon, bah, quand on fait des profits, on en donne un peu aux actionnaires, un peu aux États sous la forme d'impôts, et puis le reste aux salariés. Or ça, ça va complètement changer à partir des années 90, si on raisonne au niveau mondial, à tel point que les raisonnements traditionnels de l'économie vont être remis en cause. Quand vous êtes un jeune étudiant en économie, on vous dit la chose suivante, bah, une entreprise, bon, ça vend des choses, ça fait donc un chiffre d'affaires, ça gagne de l'argent. Une fois qu'ils ont payé leurs salariés, une fois qu'ils ont payé les impôts, il leur reste un profit. Et ce profit est utilisé en partie pour rémunérer le capital, les dividendes, en partie pour investir. Et donc, cet argent qui est généré par les entreprises pour investir, il n'est jamais suffisant. Donc, elles sont obligées d'aller chercher des crédits ailleurs, auprès des banquiers ou alors auprès des marchés financiers. Et donc, une entreprise, par nature, ça a besoin d'aller chercher l'épargne des autres. D'accord ? Aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe depuis le milieu des années 90 et vous voyez que l'épargne des entreprises depuis le milieu des années 90 n'a cessé d'augmenter à tel point qu'aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des entreprises dans l'ensemble du monde, elles sont créditrices nettes. C'est-à-dire que les entreprises, hein, au niveau mondial, sont des gens qui épargnent beaucoup plus que ce qu'elles dépensaient. On marche sur la tête sur le plan du raisonnement économique. À l'inverse, les ménages, c'est-à-dire nous, lorsqu'on reçoit un salaire, on en dépense une partie, on en épargne une autre. Et les banquiers, ils sont chargés de faire quoi ? De prendre l'épargne qu'on a pour l'emmener vers les entreprises qui en ont besoin. Aujourd'hui, le raisonnement économique est complètement renversé. Nous épargnons de moins en moins. Les grands épargnants de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est les entreprises. Comment ça se fait, ça ? Bah, quand les économistes travaillent d'un peu près, ils disent c'est très simple. Avant, les entreprises, elles redistribuaient une partie de leur richesse vers les salariés. Aujourd'hui, il y a eu une déformation du partage de la richesse qui est produite par les entreprises au détriment des salariés, de plus en plus. Encore une fois, on raisonne au niveau mondial. Quand vous regardez les statistiques générales, c'est très clair. Aujourd'hui, les ménages sont de moins en moins payés et la richesse produite va de plus en plus vers les entreprises qui s'en servent de plus en plus pour distribuer des dividendes. Les avaricieux d'aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises. Dans les supermarchés, on voit tous ces gens sortir des bons de réduction, on voit fleurir sur Internet des sociétés comme Groupon qui vont proposer des réductions sur tout un tas de produits à consommer. Ça dit quoi de ce monde ? Bah, du côté des ménages, ça veut dire que on est dans une quête de pouvoir d'achat. Hein. Si aujourd'hui, on peut faire le constat au niveau macroéconomique que lorsque les entreprises produisent de la richesse, elles la redistribuent de moins en moins vers les salariés. Bah, les salariés vont essayer de trouver d'autres sources de pouvoir d'achat. Ça peut être le crédit, mais ça peut être effectivement l'utilisation croissante de tous ces bons de réduction. Il y a même des gens qui sont complètement spécialisés, hein, qui passent toute leur journée à essayer de récupérer ce pouvoir d'achat. D'un côté, on peut comprendre cette quête de pouvoir d'achat. De l'autre côté, elle est bien le symbole de notre modèle écologique complètement dépassé. Cette consommation compulsive qui fait qu'il faut toujours aller chercher de quoi dépenser plus et toujours dépenser plus sans appeler à la frugalité extrême. Le fait qu'aujourd'hui notre modèle de consommation et de production est en train de complètement détruire notre planète fait qu'il va falloir avancer une réflexion qui nous permette de nous réfréner sur le plan de la consommation, parce que si tout le monde se met à consommer comme un Français ou comme un Américain, c'est pas d'ici un siècle qu'on va faire exploser la planète, mais bien plus tôt. L'activité de Groupon est apparue un peu autour d'une idée simple, c'est que les gens aiment dépenser moins, donc les services ou des prestations. Et l'idée de Groupon, c'était l'achat groupé à l'origine. Plus on est nombreux, moins on paye cher. Paul Chopin de Jean Vry. Nous, notre métier, c'est d'aller chercher le client et d'aller lui proposer directement ses offres. Donc on va créer de l'achat d'impulsion. Tous les matins, il va recevoir un mail où il va avoir un catalogue de bonnes affaires du quotidien. Un restaurant, un coiffeur, un centre de beauté, mais aussi un musée, un parc de loisirs. Et il va pouvoir picorer dans cette sélection d'offres qu'on lui propose tous les matins. Ça veut dire quoi, un achat d'impulsion ? On essaie de répondre à la question « pourquoi pas ?». Tiens, ce restaurant qui est juste à côté de chez moi, je passe devant tous les matins, j'y suis jamais allé. Et un jour, je reçois un mail de Groupon qui va dire « ce restaurant propose un menu avec moins 30, moins 40% de réduction ». Et là, on se dit « à ce prix-là, je vais tenter l'expérience ». Donc, on crée l'impulsion grâce au prix. Puis c'est surtout, on le sait, c'est des dépenses du quotidien qui sont les plus impactées quand il y a des crises économiques, etc. Et en dépensant 30% ou 20% de moins pour aller au restaurant, on peut y aller plus souvent, où on va commencer à pouvoir en profiter à plus nombreux, en famille. Et ça permet d'avoir toujours ce même niveau de consommation de produits de loisirs. Parce que la radinerie, l'avarice, c'est un des 7 péchés capitaux. Le monde dans lequel on vit, le monde capitaliste, a transformé ce péché capital en une vertu. Compliqué, la promotion a toujours existé dans le monde capitaliste, on le sait. Il y a eu les soldes, il y a des phénomènes de déstockage, de vente. Je pense que là, on n'est vraiment pas dans la radinerie, on est plutôt dans la recherche du bon rapport qualité-prix. Et ça permet aussi de rééquilibrer pour les professionnels, d'avoir une activité plus régulière. Donc ça permet aussi de maintenir tout un tissu économique. Donc c'est un système assez vertueux. Je cherche, je regarde beaucoup avant d'acheter, de façon à acheter ce qui est le plus avantageux. Et j'aime beaucoup faire des comparaisons aussi. Ça prend du temps, ça. Je crois qu'on le prend, le temps. C'est rien, ce prix-là. Vous faites un tout petit point avec une grosse aiguille. Quel est le prix de ces jus ? 145 au lieu de 349. Regardez, je viens de regarder au Lido, par exemple. Les robes qui sont vendues après les fêtes, donc, à mon avis, plus tellement d'intérêt. Parce que l'année prochaine, la mode va changer. Alors, il n'est pas tellement question d'en acheter maintenant. Nous, on est présents sur Internet. Notre métier, c'est d'aller chercher cette clientèle qui est parfois plus dure à capter et de la faire passer d'Internet au commerce physique. C'est ce qu'on appelle du drive to store. C'est comment on refait passer les gens dans les boutiques physiques. Sur quelle fibre vous jouez ? Sur la fibre de ce bon rapport qualité-prix, cette belle offre, cette belle expérience avec un prix qui paraît assez attractif pour avoir vraiment pas tellement de réflexion. Finalement, si moi je vais bénéficier de 20% de réduction dans un restaurant et que je me dis ça c'est le bon prix, pourquoi je reviendrai dans ce restaurant le jour où il n'y a plus cette offre de 20%? On va dire au restaurateur de communiquer sur une nouvelle carte, un produit spécifique qu'ils vont avoir sur leur menu. Donc une fois de plus, on est dans de la communication et du marketing. Et l'idée, c'est de faire connaître sa cuisine pour que les gens aient envie d'y revenir en payant le plein prix. Mais je pense que l'objectif aussi, c'est de faire de la découverte, de découvrir des lieux. Parce qu'au final, moi par exemple, je fais des shampoings coupe brushing à 69,90€. Déjà, vous avez des clients qui ne sont pas prêts à payer ce prix-là de manière générale. Vous avez déjà un premier écrémage. Et moi, derrière, c'est à moi de faire ma stratégie en fonction pour qu'il y ait de l'achat additionnel, pour que les gens reviennent et les convaincre. Mais je pense que ce n'est pas de la clientèle au rabais. Je pense que c'est plutôt une clientèle qui, en effet, comme je disais, recherche le meilleur deal. Et je me le souhaite, hein, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Sinon, je mettrais ces prix-là au rabais, finalement, directement dans mes tarifs, si c'était que ça qui les attirait. Erika Fing Becafico. Alors moi, je suis manager de l'hôtel de beauté qui a ouvert depuis un an et demi. Nous, on fait de la beauté globale, hein. Ça va de la minceur au rajeunissement, donc les machines technologiques, à la coiffure, au relooking, aux extensions de cils. En fait, on a essayé de mettre tout au même endroit. C'est un ancien hôtel particulier de 1000 mètres carrés. Donc, on a eu la chance de pouvoir multiplier, on va dire, les services, tout en relation, bien évidemment, avec la beauté et le bien-être. Comment est-ce que vous avez rencontré Groupon ? Alors, tout simplement, c'est un commercial qui est venu me voir. Je devais être ouvert depuis à peu près 2-3 mois. Moi, c'est vrai que j'avais une image de Groupon qui était celle de la cliente, donc bien évidemment celle qui cherche des petits deals. Et puis moi, je m'en étais servi, si vous voulez, pour aussi essayer des technologies que j'aurais potentiellement mis dans mon établissement. Par exemple, le jet peel, par exemple les peelings par dermabrasion, le hair steamer qui est un soin profond des cheveux, ce genre de choses-là, la radiofréquence, tout ça. Et donc il est venu à moi, ce commercial, et il m'a proposé de mettre des choses sur son site. Après, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que nous, on a une offre, par exemple, qui marche pas mal, hein, qui s'appelle le relooking et mise en beauté. L'avantage de ça, c'est que vous ressortez, vous êtes au top. Vous avez une technique spécifique, vous avez un shampoing coupe brushing, vous avez un maquillage. Sauf que bien évidemment, en fait, selon le diagnostic qu'on va faire de base, ça peut être une couleur simple qui va tout changer. Ça peut être un balayage traditionnel qui va nous prendre une heure et demie. Il y a des moments où on y gagne. Et parfois, bah, finalement, on va pas y perdre, mais en tout cas, on va y passer plus de temps pour faire un balayage traditionnel, un brushing long. Mais l'avantage, c'est que la personne, elle ressort, elle est au top. Donc forcément, peut-être qu'elle va aller s'essayer ailleurs pour se dire, bon, c'était peut-être un coup de chance. Mais en général, nous, on a un retour, en tout cas, de Groupon. Je pense que ça doit bien monter à 40, voire 50%. Parce qu'en fait, ils vont ailleurs, ils essayent, ils se rendent compte que c'est pas aussi bien. Et après, ils reviennent chez nous et ils payent plein pot. Alors comment vous pouvez être sûr que la personne va revenir payer plein pot ? Eh ben c'est là, c'est tout mon travail, c'est de faire la différence. C'est à moi derrière de faire des diagnostics, proposer aux gens des choses, leur faire un travail de push. Ça, après, c'est tout le travail du commerçant, c'est de faire de la vente et de justifier finalement son prix réel. Et puis de toute façon, Groupon vous limite. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prendre deux fois la même offre. Donc de toute façon, quand elle aura pris cette offre à 69,90€, elle ne pourra pas la réutiliser. Donc il y a un moment, la personne, de toute façon, elle va se trouver un moment où je reste chez eux et je paye plein pot, ou je vais ailleurs. Et de toute façon, on ne peut pas tout mettre sur Groupon. Je veux dire, il y a un moment, moi, j'ai mis des petites choses, mais je n'ai pas tout mis. Par exemple, en extension de cils, je ne pourrais pas le faire. Ça me prend trop de temps, les produits me coûtent trop cher. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas mettre. Alors que, vous voyez, une huile d'argan, bon, vous utilisez quoi, même pas 5 millilitres, ça ne me coûte pas des milliers d'essais en termes de produits. Je ne mettrai jamais des choses sur lesquelles où je sais de toute façon que ça ne poussera pas à une cure ou que ça ne poussera pas à l'achat de produits parallèles. Et ça, au début, j'ai essayé des trucs et on se rend vite compte de ce qui va vous ramener des gens ou pas. Ça, vous le voyez très vite. Du côté des entreprises, peut-être, j'espère qu'on est dans les cas les plus extrêmes. Hein, vraiment, ces entreprises qui touchent des subventions, ne payent pas leurs impôts, font appel à des cost killers pour en plus se débarrasser le plus possible du coût du travail, tout ça pour pouvoir augmenter la rémunération du capital. J'espère qu'on est dans les cas les plus, pas délictueux, le mot est trop fort, mais les plus agressifs en termes de management de l'emploi et de la richesse produite. En fait, les cost killers n'étaient pas des cost killers, c'était des price killers. Olivier Van Stock de l'entreprise Agile Bayer. Je vous prends un exemple d'un outil de cost killing violent et démesuré qui a disparu, quasiment disparu. Les enchères inversées. C'était très à la mode, c'était e-business, ça changeait. Comment ça fonctionnait ? Ça fonctionnait, c'est que grosso modo, sur Internet, les fournisseurs devaient mettre le prix le plus bas et on voyait le prix le plus bas s'afficher en temps réel. Et le prix qui était le plus bas, pour certaines entreprises, c'était celui qui était pris. Ça, cet outil, par exemple, ça a disparu. Aujourd'hui, si on veut réduire les coûts, le prix, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Quand on veut réduire les coûts, on veut acheter moins. Certes, acheter moins cher, mais acheter mieux. Alors Patrick Pillot, si je devais vous définir, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un cost killer ? Je ne suis pas d'accord avec cette formule, parce qu'en fait, un acheteur, ce qui est effectivement mon métier, hein, n'est pas là pour tuer les coûts. Il est là pour acheter au juste prix. Pour être un bon acheteur, il faut parfaitement connaître son domaine d'intervention. Donc moi, je vais répondre sur celui que je connais, qui est donc le monde de l'informatique, et je vous propose de m'appuyer sur un cas concret que j'ai traité il y a quelques années. Je ne pourrais pas vous dire le nom de l'entreprise parce que je suis tenu à les règles de confidentialité. C'est un groupe du CAC 40 dans le domaine de l'énergie. Alors, dans le cas précis, ma mission avait été d'optimiser les coûts de ces différents services informatiques. J'ai effectivement commencé par regrouper un certain nombre de centres informatiques. Alors, donc en termes informatiques, ça s'appelle un data center. Il y en avait 6 en France, il y en avait 2 en Allemagne et il y en avait 1 donc en Angleterre. Là, on les a effectivement regroupés sur un seul. Je suis passé par une procédure effectivement d'appel d'offres. Et à partir de là, on fait donc un cahier des charges effectivement général qui regroupe l'ensemble des besoins. On exprime un certain nombre de conditions, sécurité, performance, surface. Et chaque offre est notée, alors, donc un certain nombre de critères. Et au final, le fournisseur qui sera retenu sera celui qui aura eu effectivement la meilleure note. Je sais globalement les économies qu'en moyenne je fais sur l'ensemble de mes contrats informatiques. En général, je tourne entre 15 et 20%. Vous faites faire à l'entreprise entre 15 et 20% d'économies sur ce qu'elle dépensait avant. Oui, exactement. Nous savons tous que toutes les entreprises, elles sont là pour faire du profit. C'est la loi générale du marché et il n'y a strictement rien à dire là-dessus. Par exemple, sur l'entreprise sur laquelle vous avez travaillé, qui avait 5 sites de stockage d'informations et de données dispatchés un peu partout, le fait de les regrouper en un seul site, ça nécessite aussi de se séparer d'un certain nombre d'employés. Et oui, on n'a pas besoin d'autant de monde. Ceux qui travaillent en Angleterre ne vont pas venir travailler en France. Il est clair qu'au niveau des achats, nous sommes, si je puis dire, challengés sur les économies que l'opération d'achat a amenées entre la situation précédente et la nouvelle situation. Et dans le cas que vous citez, c'est clair que le fait de devoir fermer un certain nombre de sites, ça a bien évidemment des incidences de personnel, mais ça a aussi effectivement des incidences de loyer qu'effectivement on ne paye plus. Donc là, je vais effectivement inclure des économies de locaux, de surface, de charges, et aussi effectivement des économies de personnel. Est-ce que faites intervenir l'éthique, la morale, sachant qu'au bout de la chaîne, il y a des gens qui vont perdre leur boulot. Alors, ce n'est pas dans les fonctions de l'acheteur de se substituer aux orientations qui sont prises par la direction générale de l'entreprise. Et vous, en tant qu'individu, quand vous levez le matin, vous allez dans cette entreprise, vous dites « Oh là là, là j'ai fait externaliser telle chose, ça veut dire qu'il y a tant de personnes qui vont perdre leur travail. » Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Si je rentre dans ce débat-là, je ne fais pas ce métier. Je comprends bien que toute entreprise a forcément un rôle social. Mais ce n'est pas à moi, en tant qu'acheteur, à de fait en assumer les responsabilités. Peut-être que donc l'entreprise a ce type de choix à faire parce qu'elle a une vision à long terme qui ne m'est pas nécessairement communiquée d'ailleurs. Ça, c'est un point qui est traité par la partie beaucoup de DRH dont moi je n'ai strictement aucune connaissance. Mais si elle souhaite avoir soit des évolutions d'activité, soit des évolutions de périmètre, et que ça implique de devoir fermer certains sites, ou de devoir externaliser effectivement certaines fonctions, ça c'est des problèmes de direction générale, c'est pas des problèmes d'acheteurs. Moi j'ai moi-même une obligation morale de présenter à mes donneurs d'ordre les différentes solutions possibles, avec leurs avantages, leurs inconvénients, et ensuite je laisse cette responsabilité aux personnes qui ont le pouvoir de prendre effectivement la décision qui va bien pour effectivement ce qu'ils veulent faire. Mais moi, j'ai une obligation morale d'honnêteté. Scandale, si on peut appeler ça un scandale, parce qu'on le savait déjà depuis très longtemps, des Paradise Papers, sur le regard d'un certain nombre de personnalités du spectacle, de la culture ou du monde de l'économie. Alors là, on est chez les gros avares qui non seulement parrainent beaucoup, mais en plus s'extraient à la solidarité nationale en montant des structures qui vont leur permettre d'échapper à l'impôt. Oui, alors là, effectivement, dès qu'on tombe dans les Paradise Papers, les Panama Papers, etc., on est chez les gros accumulateurs de richesses, hein, c'est évident, grâce à une astuce juridique, en fait, hein, qu'on appelle les paradis fiscaux. Mais les paradis fiscaux, c'est une astuce juridique qui consiste à faire quoi? Ces gens touchent des revenus, des salaires, des gros salaires, des intérêts, des dividendes, pour les entreprises, des profits, sur un territoire donné. Et grâce aux paradis fiscaux, ils vont pouvoir les enregistrer et donc faire qu'ils soient contrôlés et taxés, peu contrôlés, peu taxés, dans un autre lieu. D'accord? Les profits ou les intérêts ou les dividendes touchés le sont en France, mais grâce aux paradis fiscaux, on va faire croire que c'est localisé en Suisse, au Luxembourg, en Hollande, en Irlande, et pas, oui, bien sûr, à Singapour, aux îles Caïmans, mais j'ai pris à dessein des exemples européens parce que les plus gros paradis fiscaux mondiaux, malheureusement, sont situés au sein de l'Europe. Et ces gros accumulateurs vont bénéficier de conseils, de banquiers, de comptables, de spécialistes en fiscalité pour échapper complètement à leur devoir collectif, c'est-à-dire contribuer à rémunérer le capital public. Les entrepreneurs, ils trouvent tout à fait normaux, lorsque des investisseurs leur amènent de l'argent, de rémunérer ce capital. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Mais une entreprise française ou partout dans le monde, elle ne peut travailler que parce qu'il y a des routes, des hôpitaux, un marché du travail, un droit qui fonctionne très bien. Et ça, bah, c'est du capital public qui est amené. Et pourquoi est-ce qu'on accepterait de rémunérer le capital privé et pas de rémunérer le capital public? Il se trouve que la rémunération du capital public, ça s'appelle pas des dividendes, ça s'appelle des impôts. Christian Chavagneux, je reviens sur cette question des Paradise Papers. On nous a dit que c'était légal, puis illégal, puis à la limite de la légalité. Puis on s'étonne également du silence de ces politiques sur cette question-là, comme si cette avarice était bien devenue la vertu du monde capitaliste d'aujourd'hui. D'abord sur la légalité. Dans les Paradise Papers, on a vu des choses comme violation d'embargo américain, financement secret d'armement, éventuelle fraude à la TVA. Donc avant de dire que tout est légal, attendons si quelques enquêtes judiciaires ou fiscales ne vont pas nous montrer que quelques-unes de ces opérations ne sont pas illégales. Mais même si on met de côté ces cas qui sont probablement litigieux, est-ce que le reste est vraiment légal? En fait, il y a une députée travailliste britannique, il y a quelques années, elle a réussi à avoir des informations internes d'un grand cabinet de conseil international qui offre des produits d'opacité fiscale, qui s'appelle PricewaterhouseCoopers. Et elle est tombée sur une information interne de ce cabinet qui dit la chose suivante. On est prêt à vendre aux entreprises nos produits pour échapper à l'impôt dans la mesure où ils ont 25% de chance de tenir devant une enquête du fisc. Dit à l'envers, ça veut dire qu'ils ont 75% de chance de ne pas être considérés comme légaux devant le fisc. Et de fait, ce qui se passe, c'est que Aucun libraire, par exemple, n'a jamais été testé devant un tribunal le fait que Amazon ait des accords fiscaux secrets avec le Luxembourg était tout à fait légal. Personne n'a été testé ça. Et si on l'avait testé devant un tribunal, peut-être qu'un tribunal aurait dit « ce n'est pas légal ». En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, elle a dit « au regard des traités européens, ce que fait Apple en Irlande, ce que font Amazon et Fiat au Luxembourg, ce que fait Starbucks aux Pays-Bas, au regard des traités européens, c'est illégal. Pourquoi ? Parce que ça donne un avantage fiscal, mais général, à une entreprise d'un secteur que les autres entreprises n'ont pas. Or, les traités européens disent « en Europe, il faut une concurrence libre et non faussée ». À cause de ces ruses fiscales, la concurrence est complètement faussée. Donc, la Commission européenne a dit « ce n'est pas légal et il faut agir ». Aujourd'hui, on attend, la procédure est devant la Cour de justice de l'Union européenne, on attend le résultat juridique. Mais du point de vue européen, ces pratiques ne sont plus légales. Donc moi, je ne suis pas naïf, hein, bien sûr, je suis sûr que les plus riches et les grandes multinationales, dès aujourd'hui, bâtissent toutes les stratégies qu'il faut pour contourner tout ça. Mais le combat contre les paradis fiscaux, il est lancé, il ne fait que commencer. Merci à Éric Pellier, Paul Chopin de Janvry, Ingrid de Valbray-Béliard, Erika Finbeck-Afico, Pierre Négrevergne, Olivier Van Stock, Christian Chavagneux et Patrick Pillot. Chasser l'économie et tuer les coûts. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claude Niort. Lecture, Serpentine Tessier. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Asya Khalid. Une histoire particulière, d'Alain Lefkovitch. La question que moi qui m'a toujours intéressé dans La cigale et la fourmi, c'est de savoir qui a vraiment le plus de pouvoir. Est-ce que c'est la cigale ou est-ce que c'est la fourmi? On a l'impression que c'est la fourmi parce qu'elle a accumulé et que la cigale dépend du bon vouloir de la fourmi de lui prêter quelque chose. Mais quand vous êtes puissant, je prends l'économie américaine, première économie mondiale la plus puissante. Les États-Unis, mais ça fait des années qu'ils vivent de l'endettement des autres. Et qui est le plus puissant? Celui qui travaille comme un chien toute la journée, qui épargne et qui prête son argent aux autres, ou celui qui est plutôt cigale, qui prend quand même un petit peu de temps pour danser et qui vit sur le crédit de l'autre qui a travaillé. Quel est celui qui a le plus de pouvoir? Bah, tant que vous n'êtes pas trop endetté, trop dépendant de votre créancier, je pense que le plus malin, c'est quand même la cigale. Une histoire particulière, c'est fini. Cette histoire se podcast sur le site de France Culture. Elle se réécoute partout, où vous voulez, quand vous voudrez. Et toute la bibliographie qui accompagne ce documentaire est sur franceculture.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, à 17h, pour la suite de la collection Été 2018 d'une histoire particulière, mais c'est une autre histoire.